Je m'en viens, mon cher ami, te demander une faveur. Serais-tu d'accord ou non pour me présenter à ta sœur? Ce n'est pas qu'elle m'impressionne, mais je n'ose pas l'aborder. Il faut dire que des comme elle, on n'en fait pas par milliers. Je sais bien que tu la protèges et que tu es méfiant. Mais sois sûr que pour elle, je serai un vrai prince charmant. Je ne vais pas te supplier, mais tu pourrais comprendre. Toi, t'es heureux, t'es marié, moi, je passe ma vie à attendre. On dit que ta sœur n'a pas inventé l'eau chaude. On dit que ta sœur n'a pas inventé fil à couper beurre. On dit que ta sœur ne brille pas comme l'émeraude. On dit que ta sœur, tous ceux qui la croisent un jour en ont peur. Si j'insiste pour ta sœur, ce n'est pas par désespoir. Tu n'as pas l'air convaincu, mais je t'assure, tu peux me croire. Bon, c'est vrai, je l'avoue, je suis à bout, et j'ai bien réfléchi. Je suis même prêt à te donner des sous si tu me laisses aller dans son lit. La nature ne m'a pas gâté, je sais que je n'ai rien pour moi. Je peux pas faire le difficile, mais pour elle, ça va au-delà. Je suis prêt à me sacrifier, cela va sans dire. Et puis au point où j'en suis, je crois que ça pourrait pas être pire. On dit que ta sœur n'a pas inventé l'eau chaude. On dit que ta sœur n'a pas inventé le fil à couper beurre. On dit que ta sœur ne brille pas comme l'émeraude. On dit que ta sœur, tous ceux qui la croisent un jour en ont peur. À défaut de la femme idéale, c'est toujours mieux que rien. Effet spécial. Donc je disais, à défaut de la femme idéale, c'est toujours mieux que rien. Même si à ce qui paraît, elle confond les chats et les chiens. Du coup, on sait jamais si elle aboie, si elle miaule. Mais ça, on en est sûr, y'a plein de fardeaux sur ses épaules. Trop cela, trop ceci. On ferait bien de s'y mettre avant que je ne change d'avis. T'énerve pas, décide-toi plutôt, va me la chercher. Si tu me la refourgues pas, qui osera rien que s'en approcher. Rien que lui parler, rien que la regarder. T'énerve pas, décide-toi plutôt, va me la chercher. Si tu me la refourgues pas, c'est dans un chenil qu'on va l'emmener. On dit que ta sœur n'a pas inventé l'eau chaude. On dit que ta sœur n'a pas inventé le fil à couper beurre. On dit que ta sœur, on n'aimerait pas que ce soit la nôtre. On dit que ta sœur, tous ceux qui la croisent un jour en ont peur. On dit que ta sœur n'a pas inventé l'eau chaude. On dit que ta sœur n'a pas inventé le fil à couper beurre. On dit que ta sœur, on aimerait bien que ce soit une autre. On dit ta sœur, tous ceux qui la croisent un jour en ont peur. Ouais.